Orange propose maintenant une présentation avant chaque histoire qui permet de mettre l'accent sur les auteurs et leurs récits. Dans ce numéro, sous la couverture signée par Iris, retrouvez une entrevue avec Michel Hellman qui évoque les coulisses de Nunavik. Une nouvelle inédite de Romain Renard issue des chroniques de Melville, la BD reportage de Martin PM et bien plus. Planche, en kiosque et en librairie dès maintenant. La Foire du disque de Québec approche à grands pas. Plus de 35 exposants seront présents avec des milliers de disques vinyles à vendre. C'est un rendez-vous le 5 novembre prochain, de 10h à 16h, au Centre récréatif Saint-Roch, 613 rue Prince-Édouard. 2$ l'entrée. Pour plus d'informations, visitez foiredudisquequebec.com. Donc la première phrase, c'est les filles. J'ai la tête d'un nuage, vous chantez avec Coria. Les garçons, vous répondez. À ne pas manquer sur la fabrique culturelle. J'ai fait une chanson qui se voulait uplifting, c'est-à-dire une chanson qui nous élève. Parce que moi, c'est comme ça que je vois la culture. Ça élève les esprits, ça élève les consciences. Une ouverture vers la créativité avec Corias et 50 000 élèves à travers le Québec. Tout le talent d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation pour votre rendez-vous hebdomadaire avec le bon rock progressif d'aujourd'hui. Et on vous parle de plusieurs nouveautés ce soir. On a plusieurs nouveautés pour vous, dont le nouveau Kaipa da Capo. Kaipa qui est un groupe... comme vous le savez peut-être, qui a été fondé dans les années 70. En 75, ils ont réalisé leur premier album, Kaipa, dans lequel joue Roy Nistolt. À ce moment-là, il était encore adolescent. Et justement, on a appris cette semaine qu'un des membres fondateurs de ce groupe est décédé, malheureusement. Et Roy Nistolt et ses acolytes, avec cet album-là, font un beau clin d'œil là, à cette époque-là. Ça sonne très années 70. Évidemment, et c'est un peu bluesé par moments, un peu c'est vraiment dans l'esprit des années 70, vous allez le constater avec ce nouvel album. Donc ça vient tout juste de sortir, Dark Scapins Monotony, et il y a une très belle pièce sur ça, Tonerna. En fait, c'est chanté en suédois. Ça, c'est vraiment, puisque c'est des Suédois, ils sont dans leur langue d'origine. Tu vois qu'il y a une partie un peu, il y a une section un peu traditionnelle aussi dans cet album-là. On sent vraiment leur racine. Et je pense que c'est bien réussi. Ils ont bien fait de faire ça. En fait, quand on compare, par exemple, à Tretio, Origa, Kriget, qui, pour leur plus récent album, ont décidé de chanter en anglais. Ils ont perdu peut-être un peu de charme. Alors, Kaipa da Capo, tous chantés en suédois. On aura ça comme pour débuter l'émission. Et on a également une pièce de Beardfish, Comfort Zone. C'était une de mes pièces coup de cœur de des parutions de l'an dernier. Et demain, à l'Anti, il y a Ricard Schoblum, qui est le chanteur de Beardfish et guitariste, qui va être à l'Anti, donc présenté par Terra Incognita. Il y aura également Inner Odyssey de Québec et Necro Monkey avec l'ex-batteur d'Anglagarde. D'ailleurs, je vous parlerai d'Anglagarde tantôt parce que c'est confirmé. Ils seront à Québec l'année prochaine, le 5 mai 2017. à Québec Anglagarde. Il va y avoir également IQ le 8 avril 2017. Il y a plusieurs spectacles qui s'en viennent. Il va y avoir Neil Morse en février, House le 27 janvier. Il y a GG Project aussi, hommage, un très bon hommage à Gentle Giant le 8 janvier au Centre d'art La Chapelle. Ça, c'est les spectacles de janvier déjà qu'on annonce. Mais demain, il ne faut surtout pas manquer Ricard Schoblum qui vient faire un tour au Canada, au Québec exclusivement dans le cadre de quelques spectacles qu'il présentait aux États-Unis. Et c'est à ne pas manquer au Bar Lanty à partir de 19h demain parce qu'il y a trois groupes. Mais pour débuter, on y va avec Kaipa da Capo. Strålar lekt sin stilla lek på min hud. Och mörkret slöja fallit över allt som varit vaket fram till nu. Efter ett annat sätt att se. Där fingrarna är blicken och doften av omkring mig är mitt steg. mig i varje cell i mig och ta mig with you.

as I draw my final breath. The world keeps spinning on like a worn out song from the 70s. Will it ever go off the air? Le groupe Beardfish de la Suède, dans lequel il y a Rickard Sjöblom qui sera demain à l'Anti dans le cadre d'un événement spécial avec Necromonkey et Inner Odyssey à partir de 19h demain soir donc à l'Anti. C'était la pièce Comfort Zone tirée de l'album Plus 4626 Comfort Zone. Et juste avant, des Suédois également, Kaipa da Kapo, la nouveauté donc avec Ron Stolt qui était dans Flower Kings, qui a été dans Flower Kings évidemment, qui a fondé Flower Kings par après et qui a fait une carrière solo, donc un retour avec Dark Sapin's Monotony et la pièce Tonerna. Voilà. On poursuit maintenant avec la nouveauté de Vandergraaf Generator qui maintenant en trio avec leur troisième disque, le plus récent avait été en 2011 et franchement ils ont fait un beau disque, je pense que c'est leur meilleur là, dans la formule le trio à mon goût et bon, c'est sûr que moi je suis très fan de ce band, alors j'ai choisi pour vous la pièce Room 1210 de Vandergraaf Generator, Do Not Disturb, je vous recommande, une nouveauté, donc très bien cotée d'ailleurs. Et ensuite de ça, on va aller avec plusieurs nouveautés du côté des États-Unis, avec d'abord Is, qui viennent tout juste de faire paraître Ampersand Volume 2. Il y avait eu Ampersand Volume 1 en 2004, et là donc c'est le Volume 2. C'est sous forme de chanson, plus si on veut. Et la pièce que j'ai choisie pour vous, c'est une pièce instrumentale, peut-être la plus prog de l'album. Le reste, ça fait plus de référence à moins prog un peu, si on veut, la chanson folk, et ils ont un beau talent de compositeur de bonnes chansons, et on peut entendre ça sur Ampersand Volume 2. On aura la pièce Ready to Go. On aura également le nouveau Glasshammer, la pièce peut-être un peu plus lumineuse de l'album Golden Days, du plus récent album Valkyrie de Glasshammer. Et ensuite, on aura Kansas, qui est un groupe également des années 70. Ils ont commencé en 74 et ils viennent de faire paraître un nouveau disque de Prelude Implicit. Et c'est leur 16e album en carrière. Et il est vraiment un beau clin d'œil à ce qu'il faisait dans les années 70. On aura une très belle pièce qui s'intitule The Voyage of 818 de Kansas. On aura, Glasshammer, Is, mais d'abord Vandergraaf Generator. He kept his own company last night. Lay upon the bed, drapes and blinds shut tight. He booked the wake-up call. His cases were all packed up by the door, all ready for it. Then goodbye, room 1210. Wandered a few moments here, but no time's wasted when he's in room 1210. Thank you. from all the brutal noise outside. He paces out the waiting time, staying at the threshold of the door. He's never gonna go back to the party. Thank you. life and all that it implied. You start to pull the clothes onto your side, and the sound of singing turned them both around, and it broke the spell that showed you how to be. Oh,

pour l'an prochain. Mais demain, si vous êtes à Québec, allez voir Richard Schaublum à l'Anti. Et c'est une invitation de Terra Incognita. On va poursuivre avec un groupe chilien, Isles. C'est leur nouvel album, Hawaii. Leur quatrième album. Et on aura la pièce Club Hawaii. Justement, où c'est futuriste et il se retrouve dans un hôtel où la vie sur Terre a été recréée et les plaisirs, et c'est en musique donc avec Isles du Chili qui font une tournée européenne, ça a été annoncé il y a quelques semaines. Ensuite, on aura quelques extraits de Decameron. Ça a été présenté déjà par Jean-François. Ça vient de sortir. 10 Days in 100 Novelas, partie 3, part 3. Et il y a plein de découvertes, groupes à découvrir sur ça. Je vais vous faire découvrir Ageness de la Finlande. Également, il y aura un groupe du Japon, Interpause Plus, et un groupe du Canada, donc j'avais jamais entendu parler, Rebel Wheel de Cameron. Ça s'en vient aussi dans l'émission et on aura d'autres surprises. On y va tout de suite avec Isles, tiré de leur nouvel album Hawaii. This is a Oh,

Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est du Japon. C'est le groupe Interpose Plus. Et c'était la pièce Lady of Sicily. Et c'est un groupe qui semble être composé en fait en majorité de femmes. Et c'est une contribution au projet Decameron, un projet de Colossus. 10 Days in 100 Novellas, partie 3. Ça c'est un projet qui se décline en 4 CD. Et c'est des découvertes qu'on fait. Il y a plein de groupes dont j'ai jamais entendu parler sur ça, d'autres qu'on connaît. Et je viens de le recevoir. Alors j'ai pas tout écouté encore. C'est quand même beaucoup de matériel, hein, de 4 CD. Et ça m'a surpris quand j'ai entendu cette pièce-là. J'ai pensé que vous aimeriez bien qu'on la partage. Et juste avant, il y avait Ageness de la Finlande, également de ce projet. En fait, c'était la pièce The Bizarre Garden Incident de Ageness. Et il y avait eu, juste avant, on avait débuté avec Isles du Chili. Et on va poursuivre avec une autre pièce qu'il y a sur Decameron, Rebel Wheel. C'est un groupe de Ottawa qui font une pièce surprenante. Et j'ai vu en allant sur Internet que Guy Leblanc avait joué avec eux. Guy Leblanc qui est maintenant décédé, qui avait joué avec Camel pendant un bon moment. Et donc, on aura Rebel Wheel de Decameron. Et ensuite, on aura une pièce de Doracor de l'Italie, de son plus récent, son nouvel album. On aura également une autre surprise en fin d'émission. Alors, on y va tout de suite en musique avec Rebel Wheel. Some kind of mind. between the lines, flying high. The answer is between the lines. Avez-vous reconnu le chanteur de La Maschera di Cera? C'était Alessandro Corvaglia qui accompagne Corrado Sardella pour Doracor. En fait, c'est le projet de M. Sardella. Doracor qui a quand même réalisé plusieurs albums. C'est le 9e album qu'il réalise. Au début, c'était vraiment beaucoup plus modeste, si on veut, mais là, franchement, c'est en plus un album double, Passioni postmoderne di un musicista errante. C'est donc le titre de l'album, et ce qu'on a entendu, on avait deux pièces. On a eu la pièce qui a terminé, c'était Aphasia, et l'autre juste avant était Théosis. Voilà. Alors, pour terminer l'émission, j'ai une petite surprise, en fait, un fan de Peter Hamill qui habite en Arménie, que j'avais rencontré à Londres en allant voir Van der Graaf en 2005, et qui a réalisé un album et un hommage à Peter Hamill et Van der Graaf, sur lequel il y a une pièce qui a jamais été vraiment enregistrée par Peter Hamill, puisqu'elle elle avait été enregistrée pour une émission pour enfants, Le Roi Arthur, en 1979. Donc il a refait une version de ça, et c'est ce qu'on va écouter. Ça va faire une transition avec l'autoroute là, qui va débuter dans quelques minutes avec Stéphane Villeneuve, avec le rock des années 70. Alors, une espèce de reprise d'une composition obscure de Peter Hamill pour terminer avec Mikhail Abazian. Mikhail Abazian and Friends, un excellent album, Something Deep Inside Me, et la pièce Tintagel by the Sea. And There's a castle called Tintagel by the sea. Tintagel by the sea. And it's part of King Arthur's history. King Arthur's history. Merlin the magician used to live here in the caves, practicing his spells and contemplating the waves. One night on the beach, he had a shock. For he found a little babe among the rocks. He found a babe among the rocks. His magic told him he'd be king, and not just any name. He called the baby Arthur and taught him to be true, strong and brave. Because King Arthur would always fight for right. His sword was called Excalibur, and it could never break. But he got tired of fighting, so he threw it in a lake. When a hand came up and caught it, he knew that he'd make a mistake. He had one more battle to fight against the knights who were so said he was the best king who ever ruled. Best king ever ruled. If you go to Tintagel now, there aren't really any knights, but there are lots of jolly people. And the castles is very Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Thank you.